Le petit vieux des Batignolles, un roman d'Émile Gaboriau. Chapitre 1er. Lorsque j'achevais mes études pour devenir officier de santé, c'était le bon temps, j'avais 23 ans, je demeurais rue Monsieur le Prince, presque au coin de la rue Racine. J'avais là, pour 30 francs par mois, service compris, une chambre meublée qui en vaudrait bien 100 aujourd'hui. Si vaste que je passais très aisément les manches de mon paletot sans ouvrir la fenêtre. Sortant de bon matin pour suivre les visites de mon hôpital, rentrant fort tard parce que le café Le Roi avait pour moi d'irrésistibles attraits, c'est à peine si je connaissais de vue les locataires de ma maison, gens paisibles tous, rentiers ou petits commerçants. Il en est un, cependant, avec qui, peu à peu, je finis par me lier. C'était un homme de taille moyenne, à physionomie insignifiante, toujours scrupuleusement rasé, et qu'on appelait, gros comme le bras, Monsieur Méchinet. Le portier le traitait avec une considération toute particulière, et ne manquait jamais, quand il passait devant sa loge, de retirer vivement sa casquette. L'appartement de M. Méchinet, ouvrant sur mon palier, juste en face de la porte de ma chambre, nous nous étions à diverses reprises trouvés nez à nez. En ces occasions, nous avions l'habitude de nous saluer. Un soir, il entra chez moi me demander quelques allumettes. Une nuit, je lui empruntai du tabac. Un matin, il nous arriva de sortir en même temps et de marcher côte à côte, un bout de chemin en causant. Telles furent nos premières relations. Sans être ni curieux ni défiant, ne l'est pas à l'âge que j'avais alors, on aime à savoir à quoi s'en tenir sur le compte des gens avec lesquels on se lie. J'en vins donc naturellement, non pas à observer l'existence de mon voisin, mais à m'occuper de ses faits et gestes. Il était marié, et Madame Caroline Méchinet, blonde et blanche, petite, rieuse et dodue, paraissait adorer son mari. Mais la conduite de ce mari n'en était pas plus régulière. Fréquemment, il décampait avant le jour, et souvent le soleil était levé quand je l'entendais regagner son domicile. Parfois, il disparaissait des semaines entières. Que la jolie petite Madame Méchinet toléra cela, voilà ce que je ne pouvais concevoir. Intrigué, je pensais que notre portier, bavard d'ordinaire comme une pie, me donnerait quelques éclaircissements. Erreur ! À peine avais-je prononcé le nom de Méchinet qu'il m'envoya promener de la belle façon, me disant, en roulant de gros yeux, qu'il n'était pas dans ses habitudes de moucharder ses locataires. Cet accueil redoubla si bien ma curiosité que, bannissant toute vergogne, je m'attachai à épier mon voisin. Alors je découvris des choses qui me parurent énormes. Une fois, je le vis rentrer habillé à la dernière mode, la boutonnière endimanchée de 5 ou 6 décorations. Le surlendemain, je l'aperçus dans l'escalier vêtu d'une blouse sordide et coiffé d'un haillon de drap qui lui donnait une mine sinistre. Et ce n'est pas tout. Par une belle après-midi, comme il sortait, je vis sa femme l'accompagner jusqu'au seuil de leur appartement, et là l'embrasser avec passion, en disant « Je t'en supplie, Méchinet, sois prudent, songe à ta petite femme. » Sois prudent, pourquoi? À quel propos? Qu'est-ce que cela signifiait? La femme était donc complice. Ma stupeur ne devait pas tarder à redoubler. Une nuit, je dormais profondément, quand soudain on frappa ma porte à coups précipités. Je me lève, j'ouvre. Monsieur Méchinet entre, ou plutôt se précipite chez moi, les vêtements en désordre et déchirés, la cravate et le devant de sa chemise arrachés, la tête nue, le visage tout en sang. « Qu'arrive-t-il ? » m'écriai-je épouvanté. Mais lui, me faisant signe de me taire, « Plus bas !» dit-il, on pourrait vous entendre. Ce n'est peut-être rien, quoique je souffre diablement. Je me suis dit que vous, étudiant en médecine, vous sauriez sans doute me soigner cela. Sans mot dire, je le fis asseoir. et je me hâtai de l'examiner et de lui donner les soins nécessaires. Encore qu'il y eût eu une grande effusion de sang, la blessure était légère. Ce n'était, à vrai dire, qu'une éraflure superficielle partant de l'oreille gauche et s'arrêtant à la commissure des lèvres. Le pansement terminé. « Allons, me voilà encore sain et sauf pour cette fois, » me dit Monsieur Méchiné. « Mille remerciements, cher Monsieur Godeuil. Surtout, de grâce, ne parlez à personne de ce petit accident. Et bonne nuit. Bonne nuit. Je songeais bien à dormir, vraiment. » Quand je me rappelle tout ce qu'il me passa par la cervelle d'hypothèses saugrenues et d'imaginations romanesques, je ne puis m'empêcher de rire. Monsieur Méchiné prenait dans mon esprit des proportions fantastiques. Lui, le lendemain, vint tranquillement me remercier encore et m'invita à dîner. Si j'étais tout yeux et tout oreille, en pénétrant dans l'intérieur de mes voisins, on le devine. Mais j'eus beau concentrer toute mon attention, je ne surpris rien de nature à dissiper le mystère qui m'intriguait si fort. À dater de ce dîner, cependant, nos relations furent plus suivies. Décidément, Monsieur Méchiné me prenait en amitié. Rarement une semaine s'écoulait sans qu'il m'emmenât manger sa soupe, selon son expression, et presque tous les jours, au moment de l'absinthe, il venait me rejoindre au café Le Roi, et nous faisions une partie de domino. C'est ainsi qu'un certain soir du mois de juillet, un vendredi sur les 5 heures, il était en train de me battre à plein double six quand un estafier, d'assez fâcheuse mine, je le confesse, entra brusquement et vint murmurer à son oreille quelques mots que je n'entendis pas. Tout d'une pièce et le visage bouleversé, Monsieur Méchiné se dressa. « J'y vais, » fit-il. « Cour dire que j'y vais. » L'homme partit à tout enjambé. Et alors, me tendant la main, « Excusez-moi, » ajouta mon vieux voisin, « le devoir avant tout, nous reprendrons notre partie demain. » Et comme, tout brûlant de curiosité, je témoignais beaucoup de dépit, disant que je regrettais bien de ne le point accompagner, « Au fait, » grommela-t-il, « pourquoi pas ? Voulez-vous venir ? Ce sera peut-être intéressant. » Pour toute réponse, je pris mon chapeau et nous sortîmes.